C'est en fait, j'ai réussi à faire un truc comme tu m'as dit. Je vais te faire écouter ce que je... Ah, ben merci alors. Non, je me prends pas la tête, mais je trouve que dans le monde de la musique, c'est dommage qu'il y ait des gens comme ça. Des gens qui sont très bons, très doués, mais qui malheureusement sont... Ils ont oublié qu'ils ont commencé aussi un jour et qu'ils étaient au bas de l'échelle et que je trouve que c'est méprisant quoi de faire ça. C'est pas beau. Ouais, mais bon, toi, t'es... on peut pas dire que ignorer c'est vraiment dégueulasse quoi. J'aime pas aussi ceux qui sont coincés dans leur truc, dans leur monde, qui s'ouvrent pas aux autres cultures, tout ça. Enfin bon, je vais pas raconter ma vie, mais... Juste pour dire que le mec, voilà, je lui ai demandé sa gamme, alors à moins qu'il comprenne pas l'anglais, c'est possible aussi. Hein. Mais j'enverrai un message à Dima, je lui demanderai s'il comprend pas l'anglais. Tu iras écouter ce qu'il fait comme truc un peu sur le lecteur. Mais t'en as certains, ils me disent même pas bonjour. Sous prétexte qu'un jour j'ai dû leur pourrir leur gem en faisant une fausse note. C'est un peu comme le sport, quoi, t'sais, t'as... Je connaissais pas Dima, et un mec qui joue bien, il joue du jazz, c'est joli. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'il me dise quelle gamme pour que je puisse apprendre un peu le style, quoi. Dans un autre style, je vais te faire voir ce que j'ai réussi à faire, comme tu m'as appris, là. Alors, sauf que les fils sont un peu bizarres. Attends, je vais mettre le même tempo. Et avec la barre 2, je te fais... Attends, je te fais voir. Ouais, je te fais voir. Je te fais écouter. J'ai essayé de mettre un truc sur Reaper, comme tu me disais, là. Alors, avec la barre. Ah, alors, pourquoi ça marche pas? Attends, pour lancer, j'arrive pas à lancer là. Ah, il faut le lancer une fois quand même. Attends, merde. Je me cale. Attends. Comme tu m'as dit là. Alors normalement après si on fait user par exemple on va essayer de faire ça. J'appuie sur des fois ça marche pas. On va essayer en changeant un peu si ça fait si ça marche. Voilà. Et ok c'est ça. Et après c'est la barre d'espace pour partir. Apparemment, ça, à part que ma guitare enregistrée, elle est pas trop carrée parce que Reaper. C'est un peu précaré. Non, ça met les deux là. Vas-y, ça marche. Là, je mets la ride. Par exemple, ouais, ça marche, hein, ça fonctionne là. Ouais, c'est impeccable. Alors, par exemple, on met une autre.

you can play. Encore? Ah ouais, c'est ma voix, ça. 2, 3, 4. Thank you. Bon, on va essayer de faire comme je vous dis là. Là-bas, ça donne.